Donc, je vous souhaite le bonjour, mes chers frères et sœurs. Ça me fait plaisir de pouvoir continuer avec vous l'étude sur l'Épître aux Éphésiens en utilisant la technologie d'aujourd'hui afin de pouvoir terminer ensemble cette étude. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, nous sommes des êtres tellement privilégiés. Tu nous as dit dans les premiers chapitres que nous étions bénis en Jésus depuis toute éternité, que nous étions assis dans les cieux en Jésus-Christ, que nous étions ton temple, ta maison, que nous possédions les richesses infinies qu'il y a en Jésus-Christ. Tu nous as dit que tu nous aimais d'un amour infini, non mesurable. Et c'est cela qui nous motive à vouloir vivre pour toi. Ou, si je le dis comme l'apôtre Paul, à marcher pour toi dans une nouvelle vie qui va te servir et qui va te glorifier. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous donner une joie intense à comprendre qui nous sommes et le grand privilège que nous avons de vivre avec toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons commencé à regarder la dernière fois le chapitre 4, qui était la marche chrétienne, et on nous a dit de marcher d'une manière digne de qui nous sommes, marcher dans l'unité. On a vu ensemble qu'est-ce qui nous encourageait à marcher dans l'unité. C'est parce que nous étions un, nous avons un même corps, un même Dieu, un même Seigneur, un même baptême, un même esprit, un même héritage, une même destinée, qu'on soit juif ou qu'on soit grec, nous sommes dans l'unité. Nous avons été unis à Dieu et à Christ par le fait que nous sommes unis à Jésus. Et nous allons conserver cette unité-là en grandissant dans notre compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus, qu'est-ce que c'est l'Évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans la fin du chapitre 4, qu'il, par les hommes qu'il a donnés à l'Église, il veut nous emmener à l'unité de la foi, afin qu'on ne soit pas ballotté à tout vent et à toute doctrine. C'était la première étude qu'on a faite sur la marche chrétienne. Marcher dans l'unité. Et on a vu ensemble qu'il fallait marcher, non pas comme les gens du dehors, mais comme les gens qui sont des enfants de Dieu. Et nous allons continuer ce matin à regarder la marche chrétienne. Et ce matin, nous allons être encouragés à marcher comme des enfants de lumière. Un jour, j'ai connu une dame qui était âgée et qui m'a dit qu'elle reconnaissait ses enfants à la marche qu'ils avaient, ou à la démarche. Même si elle les voyait de dos, elle les reconnaissait à leur marche. Puis notre marche chrétienne aussi va démontrer que nous sommes différents des gens qui nous entourent. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. La Bible dit que dans ce monde, il y a deux genres d'enfants. Des enfants de ténèbres et des enfants de lumière. C'est ce que nous allons voir ce matin, que nous sommes encouragés à marcher comme des enfants de lumière. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc, nous venons de voir ensemble que nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière. Même si j'ai commencé à lire à partir du verset 1, nous allons étudier à partir du verset 3, parce que la dernière fois, on a vu jusqu'au verset 2. Marcher comme des enfants de lumière. Le mot marcher aussi, c'est une expression qui signifie tout simplement vivre. Vivez comme des enfants de lumière. Et l'apôtre Paul s'efforce à décrire à ces nouveaux chrétiens, parce que l'Église d'Éphèse n'est pas si vieille que ça, l'Évangile est toute nouvelle, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que l'Évangile a commencé à être prêché, donc ça ne fait pas si longtemps, et ils n'ont pas tout le Nouveau Testament encore. Donc il leur dit quel est l'impact de la nouvelle vie qu'ils ont reçue. Quel est l'impact d'être des enfants de lumière? Ça fait drôle de se faire appeler enfants de lumière quand, au chapitre 2, nous avions été appelés enfants de colère. Mais grâce à Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de lumière. Maintenant, nous devons apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et faisons bien attention. Ne mélangeons pas enfants de lumière et vie chrétienne avec religion. L'ensemble des religions dans le monde vont enseigner des pratiques religieuses. Tu fais ceci, tu ne fais pas cela. La vie chrétienne va plus loin que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup différent de cela. Si la vie chrétienne est juste un ensemble de règles, ne mange pas, ne touche pas, ne va pas là, ne regarde pas ça, fais ceci, fais cela. Je pense qu'on se trompe. Regardons au verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est la vie d'un enfant de lumière. Que la débauche, ni l'impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous. Parce que ça convient à des saints ou à des enfants de lumière. Ni paroles grossières, ni paroles insensées et équivoques, chose qui est contraire à la bienséance. Donc il dit, c'est contraire à des enfants de lumière. Donc il dit, de la façon dont vous allez parler, nos sujets de conversation vont naturellement être différents des autres. Nos points d'intérêt sont différents. Débauche, ça parle de l'impureté. Ça parle de qu'est-ce que ça veut dire, une vie de couple? Qu'est-ce que ça veut dire, des fréquentations pour les jeunes? Qu'on nomme pas l'impureté, ni la cupidité, Donc, ça va se voir dans la façon que vous allez parler. Attention à vos paroles. Des propos grossiers ou insensés, ou équivoques. C'est contraire à la bienséance ou c'est contraire à des enfants de lumière. Les enfants de lumière, eux autres, sont reconnus comme des gens qu'on entend plutôt rendre des actions de grâce. Je ne sais pas si je peux résumer ça ainsi. Quand je regarde débauche, impureté, cupidité, paroles grossières, propos insensés, équivoques, et plutôt au contraire, donc ce petit terme-là, action de grâce, devrait nous aider à comprendre les autres. Les enfants de lumière sont reconnus comme des gens qui sont portés à rendre des actions de grâce à Dieu, bien entendu. Le contraire d'action de grâce, ce serait quoi? Des complaintes. Et quand on se plaint, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. On va être reconnus comme des gens comblés. Des gens qui sont contents de l'état dans lequel ils sont. Le débauché, lui, il veut quelque chose qu'il n'a pas. L'impureté, c'est de désirer la sexualité en dehors de ce qui est permis par Dieu. La cupidité, c'est de désirer posséder plus que nous avons. Et les paroles grossières, insensées, équivoques, souvent reflètent un mal d'être. L'enfant de Dieu, c'est une personne qui rend grâce. Qui rend grâce pour des choses très simples et des choses très importantes. Il rend grâce à Dieu pour la température, pluie ou soleil. Il rend grâce pour la santé, comme il rend grâce pour la maladie qui vient. Il rend grâce en tout temps et en toute chose. Il est satisfait. Il est satisfait de ce que Dieu lui donne. Il est satisfait. Il croit à la souveraineté de Dieu dans sa vie. Il croit que Dieu l'a comblé. Il est tellement comblé de bénédictions spirituelles. Il est toujours en train de rendre grâce à tout ce que Dieu a fait dans sa vie, spirituellement parlant, que les choses terrestres ont beaucoup moins de valeur à ses yeux. Et s'il ne les a pas, il se plaint pas. S'il les a, il rend grâce à Dieu. Il dit, au verset 6 et 7, « Faites attention que les gens ne vous séduisent pas par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Il dit, « Faites attention à ceux qui disent que toutes ces choses sont bien. » Remarquons bien que dans la société dans laquelle nous vivons, on a tendance à dire que les choses qui sont mal sont bien. Et on a tendance à dire que les choses qui sont bien sont mal. Faites attention à ceux qui disent qu'il n'y a rien là, qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a pas de péché. Attention à ceux qui disent que, c'est pas notre faute, on est nés de même. Il dit, la colère de Dieu vient sur ceux qui disent que ces choses-là sont bien. Les enfants de lumière, eux autres, les condamnent. et n'y prennent point part. N'ayez donc aucune part avec eux. Il dit au verset 11, condamnez-les. Donc le chrétien est reconnu comme quelqu'un qui ne prend point part aux œuvres des ténèbres, qui sont mentionnées au verset 11, les œuvres infructueuses des ténèbres, il n'y prend point part et il va les condamner. Il ne se laisse pas séduire par les gens qui disent qu'il n'a pas de mal. Il appelle le péché péché. On a tendance aujourd'hui à dire que c'est des maladies. C'est des choses qu'on n'a pas le choix. Et, pauvre lui, c'est un meurtrier, c'est un pédophile, c'est un abuseur. Mais imaginez-vous, regardez dans quelle sorte de vie il est élevé. Et il est élevé, il a eu tellement de misère quand il est élevé que c'est quasiment compréhensible et acceptable. Non pas qu'on appuie, mais on ne veut certainement pas condamner. On ne veut plus condamner. Parce que on sait très bien que si on les condamne, on se condamne soi-même parce qu'on les fait. Donc, dans notre société, on ne veut plus condamner. On trouve une raison qui justifie le comportement ténébreux. Mais l'enfant de lumière, lui, il n'y prend point part à ces choses-là. Il les condamne. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il est un enfant de lumière. Il ne fait pas ça parce qu'il se croit meilleur que les autres. Il ne fait pas ça parce qu'il pense qu'il a atteint une certaine maturité, que lui, il est mieux que tout le monde, il sait, grâce à ses efforts. Non, il sait très bien qu'il faisait partie de ces enfants de ténèbres-là, que lui aussi pratiquait ces œuvres de ténèbres-là aussi avant. Il n'y prend point part et il les condamne. Parce qu'il est un enfant de lumière. Et en tant qu'enfant de lumière, il sait que la colère de Dieu va atteindre ceux qui pratiquent de telles œuvres. Faites attention. Ceux qui pratiquent de telles œuvres et qui les justifient. Qui se séduisent en disant que c'est pas mal. L'enfant de Dieu n'y prend point part et les condamne. Mais est-ce que l'enfant de Dieu les fait? Est-ce que ça vous a jamais arrivé depuis que vous êtes chrétien? La débauche? L'impureté? La cupidité, ça vous est jamais arrivé? Paroles grossières, insensées, équivoques, ça vous est jamais arrivé? Ben oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé, et ça va m'arriver encore. Mais nous, on le reconnaît que c'est mal. On le dénonce, on le condamne. Et quand vous le condamnez, frères et sœurs, quand vous le condamnez, quand vous le dénoncez, condamnons-nous avec. Dénonçons-nous avec. Quand nous tombons, confessons. Demandons pardon. Et reconnaissons que ceux qui pratiquent de telles choses, la colère de Dieu est sur eux. Parce que si la colère de Dieu ultimement était sur tout le monde qui fait ses œuvres, tout le monde serait condamné. Tout le monde subirait la colère de Dieu. Mais n'oublions pas qu'à cause de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Et c'est à cause de ses grandes bénédictions qu'on n'y prend point part. C'est à cause de ses grandes bénédictions et ses pardons que nous avons eus, qui nous ont amenés à être des enfants de lumière, que nous condamnons maintenant ce que nous avons fait dans le passé. Et nous condamnons ce que nous faisons encore des fois dans notre vie de tous les jours. Parce que nous sommes des enfants de lumière, parce que la colère de Dieu va s'abattre sur les fils de rébellion. Et aussi quand nous les condamnons, quand nous les dénonçons, quand nous nous y prenons point part, qu'est-ce que ça fait? En plus de dire que nous ne sommes pas comme eux, en plus de dire que nous croyons que la colère de Dieu va s'abattre sur ceux qui vivent comme cela et qui veulent le justifier. C'est dit au verset 13, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé, ça veut dire dénoncé, condamné, apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, en dénonçant, en condamnant, en ne pratiquant pas ces œuvres-là, nous jetons de la lumière. Quand nous sommes invités par une personne du sexe opposé à des relations hors mariage, et que nous disons non, nous jetons de la lumière. Juste en disant qu'on ne veut pas le faire. Mais si on ne va pas plus loin que ça. Non, merci, je ne fais pas cela. Non, merci, j'ai déjà pratiqué cela, mais je ne le fais plus. Parce que j'ai eu des grandes bénédictions de la part de Dieu. Dieu m'a sauvé, il m'a pardonné ce que je faisais avant. Oh, je ne dis pas que je ne le fais jamais, mais quand je le fais, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à ceux contre qui j'ai péché. Les enfants de Dieu sont heureux d'être des enfants de lumière et de marcher comme des enfants de lumière. Mais les enfants de lumière le font dans l'humilité, sachant qu'ils ont été comme ces gens-là. Et sachant et avouant qu'ils sont encore dans bien des domaines faibles et qu'ils tombent et qu'ils chutent encore. Jetons de la lumière en ne participant pas et jetons de la lumière en condamnant les œuvres infructueuses des ténèbres. Appelons les choses par leur nom. Oh, faisons-le avec douceur, avec compassion. Faisons-le avec miséricorde. Faisons-le avec humilité, avec patience. Soyons sages quand nous le faisons. Et comment nous le faisons? Quand nous reprenons, autant que possible, faisons-le en privé, avec les gens que nous voulons reprendre. Si nos conjoints et nos enfants ne sont pas des enfants de lumière, oh, qu'ils puissent voir en nous la lumière, par nos œuvres, par nos actions de grâce, par le fait que nous confessons, par le fait que nous sommes attristés par le péché, et que nous condamnons le péché. Je suis convaincu que vous allez être, que vous êtes comme moi. Vous tombez bien plus souvent que vous le voudriez. Et je crois qu'on peut se joindre avec l'apôtre Paul. Il y a en moi quelque chose qui me porte au péché. Et il y a aussi en moi quelque chose qui me porte à faire le bien. Il y a un combat épouvantable en nous, entre l'esprit et la chair. Mais nous avons la conviction profonde que la chair va être vaincue finalement, totalement, par la résurrection. Et qu'un jour, nous serons avec Dieu pour l'éternité. Il n'y aura plus de péché. Et nous allons pouvoir le servir parfaitement. Donc, marchons comme des enfants de lumière. Oui, efforçons-nous dans la prière, dans les actions de grâce, à renoncer à ces choses, à ne pas participer à ces choses. Et par la grâce de Dieu, condamnons-les. Mais que ça soit fait en reconnaissance envers Dieu. Encourageons-nous mutuellement à le faire. Et quand nous voyons des frères ou des sœurs qui ont des difficultés avec ces choses dans leur vie, faisons attention comment nous allons les reprendre. Moi, je vous encourage, reprenez-les de la même façon que vous voudriez être repris. Et quand on vient vous reprendre, acceptons-le avec humilité. Avouons-le. Tu as raison. J'ai encore gaffé. J'ai encore tombé. Mais si on reconnaît que nous gaffons, nous allons approcher les autres avec amour, simplicité, humilité, compassion, parce que nous savons que nous sommes encore comme eux. Notre Père du ciel, nous aimerions être reconnus comme des enfants qui sont de ceux qui font des actions de grâce continuellement. Des actions de grâce pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Des actions de grâce pour les richesses infinies que tu nous as données en Jésus-Christ. Et nous allons rendre grâce de plus en plus, ou à la même grandeur que nous comprenons ce qui nous a été fait en Jésus-Christ. Donne-nous la grâce de méditer jour après jour sur qui nous sommes, afin d'être de ceux qui rendent grâce de plus en plus. Et plus nous allons être reconnaissants de qui nous sommes, de ce qui nous arrive et de ce qui va nous arriver, plus ça va être facile de renoncer ou de ne pas prendre part. Et de condamner. Que ton esprit nous anime d'humilité, de patience et d'amour, et de compassion et de miséricorde envers ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que nous avons été avec eux pendant de nombreuses années. Et si nous en sommes sortis, c'est grâce à toi, uniquement grâce à toi. Uniquement grâce à ta souveraineté, uniquement parce que tu nous as appelés et régénérés. Donne-nous aussi la grâce de confesser quand nous tombons. Donne-nous la grâce de demander pardon à ceux qui nous entourent, autant entre nous, frères et sœurs, et envers les gens du dehors. Merci, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Donne-nous la grâce cette semaine de te servir. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.